da Pimenteira para a 5. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. C'est l'Ardargue Sport, bien sûr. Il est 19h30, ravi de vous retrouver. C'est les émissions de l'été qui démarrent ce soir, tous les lundis de juillet, août, 19h30, 21h30, comme chaque été. Hein, c'est parti pour ces nouvelles émissions de l'été. Ravi de vous retrouver avec ce soir un programme que je vais vous détailler dans un instant. Encore plein de choses à voir. Voilà, donc je vais vous en parler dans un instant. Les directs aussi qu'on suivra ce soir. Je vais vous. Alors, il n'y a pas de foot ce soir, mais il y aura du tennis. Wimbledon, ce sont les huitièmes de finale. Tous les huitièmes, hein, hommes, femmes, se sont joués aujourd'hui. Donc voilà, c'est très sympa. Et là, on a affaire à de gros duels. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. Mais ça joue un petit peu sur tous les cours et c'est des matchs assez serrés. On va en parler dans un instant. Le programme donc foot évidemment avec l'Euro qui entame sa dernière semaine, ça y est, avec les demi-finales demain et mercredi bien sûr, des finales demi-finales alléchantes avec d'abord Italie-Espagne c'est demain soir bien sûr 21h et Angleterre-Danemark. Les surprenants danois qui vont se frotter aux Anglais sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale. Ce sera mercredi et puis forcément dimanche la finale attendue à Wembley. Donc tout le dernier carré à Wembley, hein, demi-finale, finale, tout ça au même endroit. Donc on a hâte d'y être, pardon. Déjà dès demain avec ce alléchant Italie-Espagne. Aussi foot toujours avec la Copa América. C'est en ce moment avec les demi-finales. Donc qui se joue aussi en ce moment avec cette nuit un match d'ailleurs. Ce sera le Brésil qui s'est qualifié pour cette demi-finale face au Pérou. Voilà, on va aussi évoquer bien sûr l'autre match et quart de finale. Donc tout à l'heure. Faut toujours mercato, ça bouge un peu partout au Paris, à Marseille avec l'officialisation de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. C'est fait depuis quelques heures. Et puis on reviendra aussi sur les autres, bien sûr, les autres matchs avec les autres matchs, pardon, les autres transferts. Marseille aussi avec pas mal de choses. Donc on va continuer bien sûr de dérouler le programme. Alors que sur le match en direct, puisque ça se passe en ce moment, c'est le Wimbledon sur le court central. S'affrontent en ce moment Roger Federer et l'Italien Sonego. 5 jeux partout, alors c'est un jeu à rallonge à laquelle on est en train d'assister puisqu'on est à presque un quart d'heure pour ce jeu de service. On est à 5 partout donc dans le premier set. Roger Federer qui a l'occasion il y a quelques minutes de servir pour le gain du set à 5 jeux à 4 et puis finalement il s'est fait breaker blanc par le jeune Italien. 5 partout toujours donc. Et beaucoup de peine pour l'Italien à se défaire de ce jeu puisqu'il menait 40-0. Finalement il s'est fait rejoindre à 40-1 égalité. Et depuis un petit moment eh bien, on joue au jeu des avantages égalité. Et le match à l'instant qui vient d'être suspendu puisque la pluie arrive du côté de Londres. Et on va procéder à la fermeture du toit. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc on rentre au vestiaire sur le score de 5-5 avantage Federer. Voilà donc le jeune Italien qui va devoir revenir dans quelques minutes, ça va prendre environ un petit quart d'heure normalement, avec ce point important à jouer. On va y revenir, mais voilà, le point direct puisque ça se passe tout de suite. Là, le foot avec le mercato bien sûr, l'Euro et la Copa América. Voilà déjà pas mal de choses à dire sur cette page football. Tennis donc bien sûr les huitièmes de finale de Wimbledon. Ça y est, c'est la deuxième semaine, on attaque avec les favoris toujours là, avec Djokovic, avec Zverev, avec Federer, voilà, qu'on attendait oui et non, voilà, on ne savait pas trop où il en était. Finalement il s'est qualifié pour ses huitièmes de finale et aujourd'hui il va tenter dans la foulée là de se qualifier pour les quarts de finale. Voilà donc dans quelques minutes. Le Tour de France bien sûr continue évidemment avec aujourd'hui une nouvelle étape, hein, on va y parler, c'est la 10e étape bien sûr de cette de ce Tour de France. On va y revenir dans un instant avec le classement aussi général. Avec le maillot jaune pour le moment, on va en parler après, qui sera peut-être pas le même jusqu'au bout, on va en parler. Avec aussi bien sûr les maillots, les autres maillots qui sont pour l'instant pas définitifs bien sûr. Donc Tour de France, voilà, tout à l'heure on va en parler bien sûr. Et puis bien sûr comme d'habitude notre tour avec les sports mécaniques, la Formule 1, avec hier le nouveau Grand Prix d'Autriche, avec bien sûr le MotoGP, puis le rallye avec nos Français, et puis bien sûr le MotoGP aussi nos Français qui réussissent bien. Un petit tour aussi au handball avec préparation des Jeux Olympiques bien sûr pour les équipes de France, et au basket aussi également, on se prépare bien sûr pour les Jeux Olympiques. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr de ces préparations. Voilà pour le programme de la soirée, plein de choses à dire donc. Et puis les directs alléchants, donc ce sont donc les huitièmes de finale de Wimbledon, donc deuxième grand chelem, troisième pardon grand chelem de la saison. Alors trois matchs en cours, je vous le disais. D'abord on va faire un rappel des autres huitièmes, puisqu'il y a eu hier la journée de repos, la fameuse habituelle journée de repos du premier dimanche de la première semaine, qui sera d'ailleurs la dernière année, puisque à partir de l'année prochaine ce dimanche là sera un jour où on jouera, donc ce sera la dernière édition où on joue pas ce dimanche. Donc tous les huitièmes du coup aujourd'hui, avec du coup chez les femmes pas mal de victoires en 2-7 pour Pliskova, qui s'est qualifiée face à Samsonova. Qualification de la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, 7-5-6-3 face à Krychikova. Qualification de Muchova, la Tchèque, face à Badosa, l'Espagnole. Qualification de Kerber tout à l'heure face à Goff, l'Américaine, 6-4-6-4. Élimination pardon, de Kays, l'Américaine surprise, face à Golubic, la Suissesse. Élimination aussi, une surprise de Świątek, la Polonaise, en trois manches face à Jabeur, la Turque. Et puis enfin Sabalenka numéro 2, Tadusia numéro 2 s'est qualifié en trois manches face à Rybakina. Et puis enfin un dernier match, donc dernier huitième à jouer dans quelques minutes, c'est le match entre Raducanu, la locale britannique invitée, face à Tommy Janovic, l'Australienne. Et puis chez les hommes, donc aujourd'hui, avec la victoire du numéro mondial de Novak Djokovic sans problème face à Garin, 6-2, le Chilien, 6-2, 6-4, 6-2. Shapovalov, Canadien, sans problème aussi face à Roberto Bautista Agut, Espagnol, 6-1, 6-3, 7-5. Fuksovic, surprenant, le Hongrois qui s'est qualifié en battant Andrei Rublev, quand même, le Russe, tête de série numéro 5, en 5 manches, accroché. 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3. Le gros duel, c'était aussi entre Kachanov, le Russe, face à Korda, l'Américain, 5 manches, là aussi, très serré. Surtout la dernière manche avec donc 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8. On en a été jusqu'à 18. On a presque vécu un fameux tie-break à 12-12, mais ça n'a pas été le cas. Il y en a eu un depuis le début, mais ça n'a pas été le cas sur celui-ci. Berrettini sans problème face à Ivashka, 6-4, 6-3, 6-1. Et puis 3 directs, donc avec d'abord, on le disait, hein, sur le center court, sur le court central, le toit qui est en train de se fermer. On a presque terminé la fermeture du toit pour que les matchs reprennent, puisque il pleut à Londres et on doit donc faire fermer ce toit qui est quasiment terminé. Oui, je vous dis, ça prend un petit quart d'heure au total, on y est presque. Donc c'est, pensant à la première manche, c'est l'égalité parfaite, 5 jeux partout, alors que le Suisse a eu l'occasion de servir pour le match, enfin a eu l'occasion, il a eu cette occasion de servir pour le match, mais il s'est manqué. Et pour l'instant c'est un jeu de service très accroché, puisque Sonego bataille pour essayer de rester devant, et plusieurs balles de break sauvées, et pour l'instant on est toujours à 5-5, avantage Federer au retour dans quelques minutes des deux joueurs. Et puis deux autres directs entre Félix Auger-Aliassime, notre Canadien du tournoi, face à Alexander Zverev. Beaucoup de peine pour l'Allemand, pardon, qui était mené 2-0, 6-4, 7-6, et puis qui est revenu 6-3, 6-3 dans les deux manches suivantes. Et pour l'instant, c'est Auger-Aliassime qui a fait le break d'entrée dans le cinquième, qui mène donc 1-0, et qui va se tenter de servir pour conserver ce break. Et puis l'autre dernier match, c'est entre Urkas, le Polonais, et Daniil Medvedev, le Russe. On est dans la quatrième manche. Pour l'instant, deux manches à une pour le Russe. Et on est à 4-3 dans la quatrième, pas de break. C'est Medvedev qui va servir pour le pour revenir à 4 partout, tout simplement. Voilà donc les directs de ce soir, ce sera uniquement le tennis. Puis il y a du double aussi, malheureusement, on l'a appris, l'abandon des Français. Pierre Guillemard, pardon, et Nicolas Mahut qui ont dû abandonner après une blessure qui s'est réveillée pour Pierre Guillemard, malheureusement, les Français qui n'ont pas pris de risque pour garder toute leur chance d'aller aux Jeux Olympiques, bien sûr, on sait que c'est leur objectif cette année, cette saison. Et voilà, donc malheureusement, ça sera pas pour cette saison. Wimbledon, ils ont déjà gagné Roland. Il n'y aura pas de doublé avec Wimbledon. Le toit qui est fermé, ça y est, sur le sauteur court, on va pouvoir enlever la bâche et faire revenir les deux joueurs qui sont rentrés au vestiaire, bien sûr, pendant cette interruption. Et donc, ils vont revenir pour peut-être s'échauffer à nouveau un petit peu avant de rattaquer. On va le suivre, ce retour, bien sûr. Voilà le programme, voilà les directs. Pour nous écouter, bien sûr, le 96.2 FM, et puis, bien sûr, aussi le site radioarc-en-ciel.fr pour... nous écouter en direct partout dans le monde. Pour nous joindre, c'est facile. Par téléphone, 02 38 434 800. 02 38 434 800. Pour bien essayer de, avec nous, de débattre. Et puis également, bien sûr, le Facebook Red Arc du Sport. Les sons, toujours, bien sûr, vous nous proposez ce que vous voulez écouter sur le Facebook. On va commencer avec des propositions. De tout le monde, il y a plein de choses. On va écouter Dua Lipa tout de suite, c'est proposé voilà, donc on va le passer tout de suite avec Love Again, et juste après, donc on va revenir avec le début du programme, plein de choses à dire, les directs bien sûr, et on revient juste après. Donc Dua Lipa, c'est parti pour ce premier titre, et on revient après, bien entendu, pour le début du programme. Il est 19h42 déjà. Bien sûr, on revient dans un instant, et il est donc 42. On revient à 46. Voilà pour la première partie de l'heure d'Arc du Sport. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. À tout de suite. Dua Lipa, Love Again, c'était le premier titre de la soirée. Et prochain son, ce sera Martin Garrix et Bono avec We Are The People, bien sûr, l'hymne de l'Euro 2020. On écoutera juste après pour la prochaine pause. Mais revenons bien sûr sur les directs de ce soir que l'on suit avec donc Roland Garros, Wimbledon, pardon, Roland Garros c'est fini, c'était un beau tournoi d'ailleurs, mais non, on est là bien sûr à Londres pour Wimbledon. Avec avec les huitièmes de finale interrompues toujours. Alors qu'on semble pour l'instant pas revenir encore sur le match, puisque donc le court central a été fermé. Alors les autres, le court 1 aussi, 2, non, le court 2. Alors puisqu'on sait que tous les courts ne sont pas évidemment avec les toits, mais le court central et le court numéro 1 sont c'est le cas, mais pas sur le court numéro 2. On attend toujours bien sûr l'interruption de la pluie dans ces deux courts. Et donc voilà, les toits sont fermés, mais pour l'instant on n'a pas repris. Ça y est, tout le monde revient. J'ai l'impression sur le court central en tous les cas pour cette rencontre entre Roger Federer et Sonego. Ouais, les joueurs sont de retour. Les ramasseurs de balles, les juges de ligne, pas encore les joueurs, non, mais en tout cas les ramasseurs de balles et les juges de ligne sont de retour sur le terrain. Et donc on va suivre bien sûr. La reprise dans quelques secondes, et puis c'est le cas aussi donc sur les deux autres matchs où l'on attend la reprise bien sûr avec Ogier Aliassime Zverev. On est à un cinquième manche, on le rappelle, ça c'est un match qui dure, un match un peu à rallonge, mais un match qui tient ses promesses pour le moment, et donc on attend la reprise bien sûr dans quelques secondes, et puis également l'attente pour Urkas Medvedev sur le court 2 où on est dans la quatrième manche. C'est Medvedev, le Russe, qui mène pour le moment 2-7 à 1. Voilà pour les directs pour le moment, où est-ce qu'on en est, et on va bientôt reprendre, on l'espère. On y va donc pour bien sûr les résultats. D'abord on va commencer avec le championnat du monde de Formule 1 où l'on a joué encore, on a couru une nouvelle fois sur le circuit d'Autriche. Alors on faisait deux grands prix au même endroit, donc sur ce circuit d'Autriche. Voilà, c'est le cas aussi pour une autre période où on va jouer deux fois au même endroit, voilà, donc pour éviter les déplacements. Et donc là on était en Autriche pour la deuxième fois, et encore une fois c'est Max Verstappen qui s'impose, le Hollandais qui reste sur 3 victoires consécutives, bien sûr sur le fameux Grand Prix de France et puis sur ces deux Grands Prix d'Autriche, et il est même sur une série de 4 victoires sur les 5 derniers Grands Prix. C'est l'homme en forme véritablement, et entre-t-il une cinquième course en Italie. Donc il est en forme, le Hollandais. Le classement donc de ce Grand Prix, c'est Verstappen, donc je le disais, qui s'est imposé avec la deuxième place pour Valtteri Bottas, et puis sur McLaren, les deux McLaren d'ailleurs, avec Norris et Hamilton, qui sont 3 et 4e. Voilà, c'était Verstappen qui démarrait en tête avec Norris, Perez, Hamilton, et ça s'est un petit peu bougé après avec donc la deuxième place pour Bottas et la troisième pour Norris, et enfin Hamilton qui perd des points précieux sur Verstappen. On va y revenir bien sûr avec le classement. La neuvième place à noter de Pierre Gasly, voilà, qui est le premier français bien sûr, donc engagé, puisque Esteban Ocon malheureusement lui a dû abandonner après seulement le premier tour suite à un accrochage, et malheureusement donc il n'a pas pu aller plus loin. Le classement pilote, c'est Verstappen qui fait une belle opération comptable bien sûr avec 182 points, Hamilton en compte 150, et puis ensuite très proche Perez 104, Norris 101, donc c'est assez série derrière, mais en tout cas Verstappen qui a fait une très belle opération en s'imposant ici en Autriche. La suite du programme, ce sera toujours en Europe avec une pause pour ce week-end. On reprendra le 18 Grand Prix, bien sûr s'il est connu, le Silverstone, ce Grand Prix de Grande-Bretagne, et on restera encore un petit moment en Europe avec la Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie. Voilà, donc on va enchaîner quelques belle course et Verstappen qui pour l'instant fait donc un très très beau qui fait un très beau début de saison, mais bah, un petit peu plus même maintenant, et qui a une belle avance en haut, mais rien n'est joué. Puis bien sûr constructeur, c'est Red Bull qui domine un peu d'avance sur Mercedes qui est à 242 points contre 286 pour Red Bull. Donc ça, c'est pas joué chez les pilotes non plus, mais c'est vrai que Verstappen n'a pas une belle option quand même. Voilà pour le point donc en Formule 1. Les Français brillent, c'est en MotoGP avec Fabio Quartararo vainqueur sur le dernier Grand Prix. C'était pas ce week-end, c'était le week-end précédent, pour revenir un petit peu sur l'historique de ce qui s'est passé. Pays-Bas, Grand Prix des Pays-Bas, ou donc victoire de Fabio Quartararo qui s'est imposé. Belle victoire encore une fois pour le Français qui notait sa quatrième hein, cette saison déjà, qui fait une grosse saison. Maverick Vinales deuxième, Joan Mir troisième, puis Joan Zarco Lucie qui fait une très belle saison, qui finit quatrième. Voilà, les deux Français qui sont très souvent sur le podium, l'un et l'autre, ou même des fois les deux ensemble. Donc c'est une très belle saison pour eux. Et s'enchaîneront, comme en Formule 1 d'ailleurs, les deux Grands Prix en Autriche. Mais pas tout de suite, puisque là on va faire une trêve jusqu'au mois d'août. Voilà, on va reprendre le 8 août, donc un peu plus d'un mois. Donc on enchaînera deux Grands Prix en Autriche. On va rester en Europe un petit moment aussi, comme en Formule 1. Mais là, la trêve est lancée pour la Formule 1. Et c'est reparti, je crois. Alors ça s'échauffe, hein, ça y est, entre Roger Federer et donc l'Italien Sonego. On rappelle qu'on est à 5 jeux partout. Et avantage pour Federer, on s'est arrêté sur un avantage, on n'a pas pu aller plus loin. Un jeu à rallonge, hein, puisque le jeu a duré, je crois, on est à, pour l'instant il n'est pas fini, mais on est à presque un quart d'heure à peine. Donc c'est pas fini, et peut-être que ça va finir tout de suite, ou peut-être qu'on va encore continuer dans ce marathon de ce jeu, sur ce 11e jeu. Bon, bah, en tout cas, ça va reprendre, puisque les deux joueurs reprennent l'échauffement. Sur le cours 1, ça c'est bien sûr sur le cours central, et sur le cours 1, Yassine Zverev, on a fermé le toit également, mais on est en train de d'essuyer le cours, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, on est en train de parce qu'il a visiblement pris plus d'eau que les autres. Et sur le cours 2, bah, il n'y a pas de toit, donc pour l'instant on attend. Le cours est bâché, quelques spectateurs sont encore là, mais ça va pas redémarrer tout de suite entre Urkas le polonais et Yuri Stanin Medvedev. Voilà, on vous bien informé bien sûr quand ça repart pour Federer Sonego. Et puis après un peu plus tard, puisque ça va repartir aussi sur le cours 1, et puis peut-être que le cours 2 ne reprendra pas, ça va dépendre bien sûr du temps. Trêve pour la moto GP. Et enfin, là aussi les Français, ou surtout un Français est en forme. C'est bien sûr Sébastien Ogier, vainqueur, doublé pour lui après victoire en Italie. Cette fois-ci, c'était sur le rallye du Kenya. Première fois au programme de cette saison de rallye WRC. Donc victoire pour le Français, voilà, qui enchaîne donc du coup une deuxième victoire consécutive. Il en est à 4 sur les 6. Hein. Donc voilà, il est en forme et il s'impose donc devant son coéquipier sur Toyota, Kazuta, le japonais. Otanak est troisième, et voilà. Et puis pour le Belge Thierry Neuville, malheureusement il n'a pas pu terminer donc ce rallye. C'est la fin de l'échauffement sur le cours central. On va reprendre un point très important. On est dans le 11e jeu du premier set, donc 5-5, et c'est un avantage pour le Suisse que va tenter de sauver une balle de break, donc il va tenter de sauver Sonego, pardon, je vais y arriver. On va suivre ce point, et puis peut-être qu'on va passer tout de suite au jeu suivant, ou peut-être ça va encore durer, mais en tout cas on est sur une quatrième balle de break pour le Suisse, et c'est au service Sonego qui va tenter de sauver son engagement une nouvelle fois. C'est parti donc pour ce premier service. Dans un instant, ça y est, c'est parti. C'est dans le filet, donc on va jouer un deuxième service. Grand danger donc pour l'Italien. Voilà, on rappelle que Federer avait servi pour le set, mais qui a été débriqué donc très rapidement sur un débreak blanc. Et c'est une double faute. Et voilà, cette balle qui touche le filet et qui sort ensuite, qui a même pas passé le filet. Il a tapé le filet et il est parti sur la droite. Et c'est un break directement en reprenant ce match. C'est très cruel pour l'Italien qui avait fait un gros match jusqu'à maintenant. Alors c'est pas fini, il peut encore bien sûr revenir et débriquer. Mais c'est vrai que c'est cruel puisqu'il avait sauvé beaucoup de points, de beaucoup de balles de break sur ce jeu juste avant la pause. Et là la reprise a été fatale. Mais rien n'est joué puisque on est à 6-5 et Federer va resservir pour le gain du set. Et on va voir si cette fois il va pouvoir tenir sur ce jeu. Sébastien Ogier donc vainqueur au Kenya pour cette première édition dans ce calendrier. Il est bien sûr en tête du classement pilote. Hein, le français qui possède 133 points. Et ensuite c'est Elfie Evans qui est deuxième avec 99 points. Thierry Neuville qui perd gros. Il est troisième avec 77 points. Otana qui est quatrième 69 points. Donc beaucoup d'écart. Maintenant pour ces pilotes là qui laissent un petit peu s'échapper le français, mais rien n'est joué. Federer au service pour le gain du premier set cette fois-ci. On va voir s'il va pouvoir réussir. Et il perd encore ce premier point très rapidement. Un beau retour qui a mis en difficulté le Suisse qui finit et sa balle qui finit dans le filet, donc une première faute directe. Et ça va reprendre entre Gilles et Sims Veras puisqu'on est revenu. Ça va s'échauffer bien sûr, mais ça va reprendre bien sûr sur ce cours 1. Et on va voir si le cours 2 va pouvoir reprendre un ace. Non, c'est une finalement est annoncée faute. Deuxième service pour Federer dans ce jeu. Et on va voir si voilà cette fois-ci il va pouvoir. Et voilà, encore une grosse faute directe dans le filet. Ça fait un peu, c'est un peu le même scénario pour l'instant que le jeu précédent, son jeu de service précédent où à 5-4 il avait servi pour le set, et cette fois-ci c'est en train de faire la même chose. 0-30, on le rappelle, Taylor il a été débreaké blanc avec que des fautes directes. Pour l'instant on en suit le chemin et ces premières qui ont du mal à passer, et c'est encore le cas cette fois, elle ne passe pas cette première qui fait défaut hein, sur son tournoi. Federer qui est parfois en panne de première et ça fait très mal. Bien sûr, puisque on sait que sa première est très très importante. Est-ce que celle-ci est bonne? Oui. Est-ce qu'elle est bonne cette balle? Oui, elle est bonne. Ça s'est pas joué à grand chose encore. On a failli voir encore une fois une grosse faute directe, mais finalement c'est plutôt bien joué. Elle tape la ligne. Elle rebondit sur la ligne. Et donc ça c'est finalement 15-30. Et encore une première qui ne passe pas. Alors, vraiment panne de première sur ce jeu-là et sur le jeu précédent aussi, sur le jeu de service précédent, qui fait pour l'instant défaut pour le Suisse. On va suivre la fin du jeu et peut-être du set. Et c'était une lettre, pardon. On a rejoué une première, qui est encore faute. Et on va jouer une deuxième tout de suite. Et on va voir si on va être à 30 ou si au contraire on va être à 15-40. Et on est à 15-40. Encore une grosse faute au filet, dans le filet. 15-40, deux balles de débreak pour l'Italien, on le disait, hein, qui lâche rien. Et là, c'est surtout aussi à cause du Suisse qui ne joue pas un grand tennis depuis 2-3 jeux et qui a du mal à remporter ses jeux de service. Et on va voir s'il va pouvoir sauver cette première balle de break. Oui, c'est sauvé avec un beau service volé. Il a pris son temps, une première sur le T qui a du mal à envoyer son ego, et finalement après un coup droit penalty pour le Suisse qui a pas eu beaucoup de mal cette fois-ci à marquer ce point. Et voilà, je disais, on va suivre la fin du jeu puisque ce sera aussi peut-être la fin du set, mais ensuite bien sûr on va reprendre avec le programme. Une bonne première. Oh, c'est bien remis. Oh là là là, ce retour est magnifique. Ça fait un des breaks ou pas? Visiblement non. Elle est dehors finalement. Elle est annoncée dehors. Un retour énorme de Sonego qui malheureusement est sorti de très peu. Qui avait clairement mis le Suisse en difficulté puisque derrière il avait repris cette balle, mais lui-même l'a mis dehors. Mais voilà, finalement 40 à première dehors. Encore une fois, pas de première finalement. Encore une fois pour le Suisse. Qui sert tout de suite une deuxième pour essayer d'aller chercher l'avantage. Deuxième qui passe, c'est remis, ça joue plutôt bien. Il s'arrache l'Italien, mais finalement c'est bien Federer qui remporte ce point. Balle de 7, puisqu'il a l'avantage, c'est un match accroché. J'imagine que ça va se jouer assez long. Je ne sais même pas si on va poursuivre la fin ensemble, puisque je pense que ce match devrait durer. En tous les cas, pour l'instant, ce premier set dure. Alors il y a eu l'interruption bien sûr, mais au-delà de ça, on est déjà sur un temps de jeu un peu plus d'une heure, donc voilà, c'est énorme et cette fois. Non, c'est encore dehors, il n'y a encore pas de première. Ou est-ce que c'était plutôt une lettre, j'ai l'impression. En tout cas, on va resservir du côté de Federer pour aller chercher ce set peut-être. Alors, visiblement, c'était une deuxième, puisqu'il y a une petite deuxième. Très bien exécutée. Et ça passe 1-7-0 pour le Suisse qui a eu beaucoup de mal à conclure ce set, mais finalement c'est fait, il a dû s'y reprendre à deux fois, mais finalement voilà, il mène bien 1-7-0 face à l'Italien Sonego. C'est important évidemment ce gain du premier set, puisque voilà, ça a duré voilà, un peu plus une heure, voilà, je vous le disais, un peu plus d'une heure, on y est. Et c'est vrai que s'il n'avait pas emporté ce set, Federer aurait déjà perdu pas mal d'énergie, mais finalement c'est bien lui qui s'impose sur ce premier gain, sur ce premier set pardon. Et c'est reparti aussi donc entre Ogier Nassim Zverev, on rappelle le Canadien qui a breaké dans la cinquième manche d'entrée 1-0, il va servir pour confirmer ce break. Et puis bah pour l'instant cours 2, hein, Urkaz Medvedev, deux jeux 2-7-1 pour le Russe, mais pas de toit, donc le cours 2 qui peut-être ne reprendra pas en fonction bien sûr de l'avancée du temps. Voilà pour ce diac, on y revient bien sûr après dès que ça repart, mais on termine avec bien sûr donc le rallye, on le disait, Sébastien Ogier en tête du général. On a joué la moitié des courses, hein, tout simplement. On a joué 6 courses, il en reste 6. L'Estonie, ce sera la semaine prochaine, avec toujours du jeudi au dimanche. Et après il y aura une trêve jusqu'en août, il y aura la Belgique, la Grèce, la Finlande, l'Espagne et le Japon pour finir en novembre. Pour l'instant, avantage Ogier, qui pourrait, en cas de succès, revenir à hauteur de Sébastien Loeb sur le nombre de victoires en WRC. Voilà, donc ce serait évidemment une performance énorme. Mais pour l'instant, on n'y est pas, mais en tout cas, il s'en approche. Et peut-être que lui ira chercher la dixième. On rappelle que Sébastien n'était pas allé jusque-là. Il avait préféré arrêter avant, mais peut-être que Sébastien Ogier, lui, ira chercher cette dixième. Et pour l'instant, voilà, il est noté à 7. Il a fait voilà, une troisième place aussi, mais voilà, on espère que lui ira chercher encore un peu plus loin les victoires en WRC. C'est reparti pour Federer Sonego, donc 1-7-0 pour le Suisse. C'est lui qui ce n'est pas lui qui démarre, c'est bien sûr Sonego qui a perdu ce premier set. Et ça va repartir tranquillement. On va suivre bien sûr d'un œil ce début de deuxième set, voir comment réagit l'Italien après la perte de ce premier set. On rappelle qu'il a, voilà, il a rien lâché, il a été vaillant, mais voilà, il a craqué sur malheureusement une double faute au pire moment, au retour de l'interruption à 5-5, hein, mais voilà, et finalement il va essayer de réagir tout de suite donc dans ce deuxième set qu'il démarre donc au service. On va bien sûr rester avec ce direct, et puis l'autre aussi bien sûr qui continue. Voilà pour le programme, on le disait, hein, sur les sports mécaniques. On va changer d'univers avec le Tour de France qui se passe plutôt bien pour le moment, avec donc le classement, les résultats d'abord d'aujourd'hui, bien sûr le résultat de l'étape qui nous intéresse, et puis on va proposer le programme aussi d'hier, puisqu'il y a, évidemment on sait il n'y a pas de course le lundi dans le Tour de France, mais bien sûr là on va revenir sur l'étape d'hier et puis présenter celle de demain, évidemment avec l'étape 9 donc hier entre Cluse et Tignes, victoire pour Ben O'Connor l'Australien, c'est le général. Revenons sur le résultat voilà d'hier, évidemment avec la victoire O'Connor. On a ensuite et puis bien sûr les maillots, on va en parler. En jaune toujours Pogacar, Cavendish toujours en vert, Quintana maillot à poids, et puis Pogacar aussi qui a toujours le maillot blanc de meilleur jeune. Pour l'instant il a les deux maillots. Et donc voilà, c'est lui qui pointe en tête pour l'instant sur ces deux maillots. Voilà, et puis donc le général avec donc Ben O'Connor, on le disait, donc toujours en tête avec Mattia Canateo l'Italien, Cobrielli un autre Italien troisième, Voilà, et puis on est français aussi, bien sûr. Évidemment qu'on n'oublie pas, hein, qu'ils sont toujours là, et qu'ils peuvent, avec, on le sait, des fois des dernières étapes importantes qui peuvent s'imposer. Mais évidemment, avec on l'avait déjà vécu, cette première étape, hein, pour démarrer, avec Julien Philippe qui s'était imposé. Donc on espère que lui va pouvoir faire la différence encore une fois sur ces étapes. Pogacar, donc on le disait, en tête. O'Connor deuxième, un peu plus de 2 minutes. On a ensuite un peu plus loin Guillaume Martin, 9e, le premier français. Voilà pour le premier français de ce classement. On regarde un petit peu plus loin avec les autres français. On a Simon Yates, 27e seulement. Ça va déjà très loin dans les écarts. Alaphilippe qui est déjà loin, 37e. À un peu plus de 40 minutes de la tête, compliqué après cette première victoire d'étape. Ensuite, ça va devenir un peu plus compliqué pour le français. On le sait, c'est long, hein, c'est très long, hein. Un Tour de France, et c'est difficile de rester dans la durée, mais voilà, pour l'instant, il est encore là et on espère qu'il va remonter, le français. Donc, Julien Philippe, assez loin pour l'instant du général. Voilà donc pour le classement à date. Et puis donc demain, le programme de demain, ce sera la 10e étape, bien entendu, avec un départ à Albertville. Voilà, Albertville, bien sûr, terre des Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien, ça va démarrer donc sur cette ville et arriver donc aussi après à Valence. Donc une étape longue de 190 km voilà demain avec bien sûr les attendus, les grimpeurs, on verra donc demain s'ils sont là. En tout cas, pour l'instant, les maillots, on le disait, Quintana en tête pour ce maillot à poids. On a ensuite les autres maillots, je le disais tout à l'heure, avec le meilleur jeune Pogacar pour l'instant, voilà, qui pour l'instant est en temps jaune, et aussi ce maillot de jaune qui pourrait pourquoi pas remporter ce Tour de France cette année. Puis Cavendish, voilà, aussi sur le maillot, sur les points, qui est là sur le fameux maillot vert, et on verra s'il va tenir lui aussi jusqu'au bout. Voilà les points sur les maillots, sur les étapes à venir. Donc on dit Albertville, Valence. Jusqu'à lundi prochain, hein, jusqu'à notre prochain point, on aura une étape ensuite entre Sorgues et Valenciennes, Saint-Paul, Trois-Châteaux, Nîmes, Nîmes-Carcassonne, la plus longue étape, je crois, la deuxième plus longue, puisque la plus longue était entre Vierzon et Le Creusot, mais 249 km, mais celle-ci est assez longue aussi, entre Nîmes et Carcassonne, 220 km, Carcassonne, Caillan ensuite. Et puis et ensuite on aura Andorre, une étape jusqu'à Andorre, donc pour la 15e étape, et puis on fera un point bien sûr après, et on évoquera la dernière semaine déjà du Tour de France à partir de lundi prochain. Voilà le point Tour de France, un point direct avant de marquer une pause, déjà 20h09, ça va vite. Donc dans un instant on poursuivra. On fera un petit tour des préparations olympiques, hein. Handball, basket, on se prépare bien sûr pour les Jeux Olympiques qui arrivent très très vite, hein, la fin du mois déjà. Ça se prépare tranquillement sur ces sports, hein, collectifs, handball, basket. Bien sûr, il y a le tennis aussi, hein, avec pas mal d'absents, on avait parlé, hein. Nadal notamment n'ira pas. Donc on en reparlera bien sûr aussi. Et puis pour finir, bien sûr, le foot. Avec nos habituels tours avec l'Euro, avec bien sûr la Coupe América, et puis un point sur les transferts, voilà aussi sur ce qui s'est passé et sur ce qui peut se passer aussi, mais ce qui est en tout cas presque en poche. Un qui est sûr, c'est Ramos bien sûr, et puis les Marseillais aussi qui ont fait pas mal de transferts. On en reparlera. Bien sûr, juste après. Mais un petit tour par la directe avant donc de marquer cette pause, on le disait, Martin Garrix, Bono, For the Who Are the People, les directs. Donc, Roger Federer qui passe un véritable test hein, face à Lorenzo Sonego, l'Italien qui est quand même 27e mondial. Hein, je rappelle que c'était surtout montré à Roland Garros, hein, on le rappelle, avec un gros duel face à Novak Djokovic. Et donc, pour l'instant, qui s'en sort, voilà, qui est plutôt bien, bien en jambes, et qui donc est mené 1-0 dans un 7-0 dans cette rencontre, et un jeu partout dans la deuxième. Pour l'instant, voilà, pas de break. Les serveurs servent plutôt bien jusqu'à ce troisième jeu. On est dans le troisième jeu, hein, avec 15 à. Voilà, premier point perdu par l'Italien et puis finalement il est revenu à 15 et donc on va suivre la fin de ce jeu et puis on va bien sûr marquer une pause juste après. Donc toujours 15 à, c'est parti pour ce nouvel échange et une grosse faute là, Federer qui a mal pris cette balle qui est sortie bien loin en longueur et ça fait 30-15 pour l'Italien qui va tenter de rester devant. C'était l'importance aussi de rester devant dans les sets, hein. C'est bon, presque, on le dit souvent, que c'est un avantage de servir le premier, c'est presque vrai, psychologiquement d'être devant, et pour l'instant il est toujours devant, et est-ce qu'il va y arriver? Oula, le passing de revers de Federer qui a débordé l'Italien, qui était manteau filé là, et puis finalement il s'est fait avoir sur ce passing de revers magnifique, qui le met complètement hors de portée. Et donc 30 à, danger déjà sur le service de l'Italien. On sait que le Suisse aime bien breaker très tôt dans les sets. Est-ce qu'il va y arriver? Pour l'instant 30 à, et on va voir s'il va pouvoir se procurer une nouvelle balle de break. Ce serait la septième. C'est une balle qui touche le filet. Est-ce qu'elle est sortie? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il va resservir évidemment l'Italien pour essayer de rester devant dans ce jeu de service. Et c'est parti, l'échange qui se met en place. C'est bien joué de la part d'Italien qui a été cherché très très loin à droite là-bas dans le cours, dans le fond à droite, et donc finalement il reste devant avec 40-30. Ouais, il a bien pris son temps pour bien ajuster ce coup-là et pour rester devant 40-30 donc pour l'Italien dans ce jeu de service qui va peut-être dans un instant repasser devant à 2-1. On va le suivre et puis derrière on va marquer cette pause. Donc premier service qui n'est pas bon, qui est faute, et on va servir ce deuxième tout de suite. L'Italien qui est en danger quand même sur ce service, hein, à 30 à, c'est servi et c'est une lettre sur ce deuxième service qui va resservir à nouveau. Federer avait fait un gros retour, mais on va rejouer ce service évidemment qui a touché la bande du filet avant d'atterrir dans le carré de service. C'est reparti donc, et c'est l'échange qui à nouveau se met en place, et ça joue très très au fond de court, mais encore une fois c'est bien ajusté à gauche, ça passe. 2-1 Sonego qui reste devant dans ce deuxième set, un point sur l'autre match aussi, avec Ogier Aliassime qui est toujours devant, hein, qui a confirmé son break face à Alexandre Zverev. C'est un match marathon pour l'instant, que l'on vit 3h20 déjà de match. Deux premiers sets très très accrochés, 6-4 d'abord et 7-6 dans le tie break, donc Ogier Aliassime qui est mené 2-0, et puis Zverev qui est revenu en une heure seulement, 6-3. Et pour l'instant, on attaque la cinquième manche décisive. Break d'entrée, hein, pour Ogier Aliassime qui a mené 1-0, 2-0 et puis 2-1 donc pour le Canadien qui va servir donc pour garder, essayer de conserver son break d'avance pour pourquoi pas aller se qualifier pour un quart de finale, le Canadien. On marque une pause et on revient après avec la préparation olympique qui se poursuit en basket, en handball. Et après, donc, on terminera avec le foot, bien sûr, plein de choses à dire. C'est parti, donc, pour le son, le titre, c'est Martin Garrix et Bono, avec ce titre, Where's the People, bien sûr, inofficiel de l'Euro 2020, on en parlera tout à l'heure. Les demi-finales, demain et mercredi, attendues, et bien sûr, la finale dimanche. On se retrouve après, tout de suite. Hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me, tonight is gonna be the one. Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Martin Garrix et Bono pour We Are The People. C'est l'hymne, bien sûr, de l'Euro 2020. Vous l'avez beaucoup entendu ces derniers temps. On poursuit avec, on revient d'ailleurs avec les, donc le direct, un point donc sur les huitièmes de finale, les deux dernières, avec donc d'abord sur le court central. On rappelle les courts qui sont fermés hein, après la pluie tout à l'heure. Donc le huitième de finale entre Roger Federer et Lorenzo Sonego. On rappelle que Suisse a remporté à assez de difficultés comme le premier set, 7 jeux à 5, et qu'il démarre son deuxième set de partout, qui a remporté sa mise en jeu précédente tranquillement, et c'est l'Italien qui est un peu en difficulté sur ce début de jeu de service, puisqu'il est mené 0-30 à l'instant. Après deux fautes directes, on va continuer, mais on revient bien sûr si une balle de break arrive. Et puis l'autre match, c'est bien sûr Oji Aliassime Zverev. Gros duel, puisqu'on est dans la troisième manche, pardon, et de débreak est fait pour Zverev. À 2-1, donc il est revenu à 2-2, c'est ça. Il était mené 2-1 et il est revenu à deux jeux partout. Et qui même a repris les devants avec à l'instant qui a pris les devants, on sait que cinquième manche pour la première fois, et qui mène donc 3-2. Et voilà, donc bah, il a craqué le Canadien sur sa mise en jeu précédente. Il n'a plus le break en poche, mais on va suivre bien sûr cette rencontre. Et puis le dernier huitième, qui est toujours interrompu par la pluie puisqu'il n'y a pas de toit sur tous les cours. Il y en a un sur le cours central et sur le cours numéro 1, mais pas sur le 2. Et donc bah, Urkaz Medvedev, c'est pour l'instant interrompu toujours par la pluie. Et on ne sait pas si ça va reprendre tout de suite. 30-1 sur la mise en jeu de Sonego qui est revenu, hein, 0-30 à 30-1. Et à faveur de gros services. Et on va voir si est-ce qu'on aura une balle de 3 partout, de 3-2 pardon, ou bah, dans tous les cas on aura une balle de 3-2, mais est-ce que ce sera une balle de jeu ou de break? On va le suivre tout de suite puisque l'Italien sert ce point. C'est remis voilà, par Federer. Et l'échange qui de nouveau se met en place, pas mal de grands échanges, alors pas forcément exceptionnels dans l'intensité, mais en tout cas assez long entre les deux joueurs, ça joue et on va voir si pour l'instant ça dure. Oh là là, quel coup droit énorme de Federer qui s'offre une balle de break, c'est la première dans ce jeu de service. Ouais, énorme coup droit qui a mis c'est 16 échanges, le plus long échange, 16 coups hein, dans ce point, et il a crucifié l'Italien là-bas dans l'angle, et ça fait une balle de break, la première donc dans ce set pour le Suisse qui va déjà tenter de prendre les devants. On sait qu'il il aime être devant assez tôt dans les sets. T'as deux partout, donc c'est le moment idéal pour lui. Et donc c'est dehors cette première balle de service. Ce sera une deuxième pour le Suisse pour tenter de sauver cette balle de break. On va la suivre et puis on va revenir ensuite, bien sûr, sur le programme. Une deuxième qui passe. Oh, elle est longue. Ah, c'est dommage. C'est pas très bien joué ce retour. Il avait le temps en plus, le Suisse. Et finalement un retour en revers trop long. Pas grand chose, mais elle est trop longue et ça fait égalité. Est-ce qu'on va encore repartir sur un jeu à rallonge comme c'était le cas tout à l'heure avant l'interruption, enfin qui s'est même terminé juste après. Et on voit, pour l'instant on est à 40-1. Service donc italien sur son premier. Service qui passe, c'est remis, ça passe donc ça va. Et ça joue l'échange qui se met en place. Oula, la faute, ouais. Et c'est une grosse faute pour l'Italien qui. Suisse qui avait remis une toute petite balle derrière le filet, et l'Italien qui était dessus, mais qui était surpris. Et là, son amorti qui termine dans le filet. Bah, ça fait encore une nouvelle balle de break. Pour le Suisse, c'est la deuxième non consécutive. On la suit et ensuite on enchaînera puisqu'on est déjà à 20h24 et ensuite on va enchaîner. Mais il se passe des choses dans ce match, donc on va suivre cette deuxième balle de break. Ce sera sur une première puisqu'elle passe et l'échange qui se met en place. Et voilà, un passing encore du coup droit pour Federer qui fait le break au bon moment. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne, le terrain qui avait bien servi. Là, ça a été bien remis et puis il a été encore une fois crucifié par un passing de coup droit cette fois-ci de l'Italien. 3-2 Federer, break en poche, voilà, qui est bien installé dans cette rencontre. Ça nous permet de continuer avec la préparation des Jeux Olympiques pour le handball, pour le basket. On se prépare. Une première info, on va commencer avec le handball avec la liste de Guillaume Michi, le sélectionneur, hein, qui a officialisé aujourd'hui, hein, d'ailleurs, une liste de 15 joueurs. Pas de surprise dans cette liste, la présence de Nikola Karabatic, ça c'est l'info qu'il faut retenir. Donc on rappelle 23 juillet 8 août, hein, les jeux ça arrive très vite. Nikola Karabatic sont remis dans son opération du genou, hein, va faire son retour après avoir manqué le mondial en début d'année. Voilà, donc il y aura également donc toujours Luca Ballo, Mickaël Guigou. L'objectif pour eux, bah, une troisième médaille d'or, on rappelle 2008-2012, et puis l'argent 2016 à Rio. Voilà, on est sur une grosse série quand même. Et il sera là pour essayer de remporter cette nouvelle médaille d'or. Avec deux remplaçants aussi qui seront présents. Mais voilà, pas de changement en tout cas. Nicolas Tourna, Fabregas, Karabatic, Luca Karabatic bien sûr, qui sera aussi présent. Melvin Richardson qui sera présent. Au détriment de Prandi et de Romain Lagarde, voilà, qui seront absents. Et qui était absent déjà lors des qualifications pour les jeux. Pardon. Lagarde donc sera présent mais en tant que remplaçant pour le coup. Voilà, et puis on aura pardon, Jean-Jacques Cucu qui sera absent après le retour de Nicolas Karabatic à son poste. Voilà, et puis premier match de préparation, ce sera lundi à 19h. Voilà pour ce premier match de préparation, parce qu'on va vite y venir. On aura ensuite face à l'Égypte, c'est ça. Il y aura ensuite deux autres rencontres. Le 18 juillet, ce sera le Japon, et le 21 contre le Danemark. Donc cette fois, ce sera à Tokyo, ce match de préparation, pour être sur place déjà. Mais le premier, donc lundi, face à l'Égypte. Rappelle que les Bleus sont dans le groupe A de ces Jeux Olympiques. Donc avec l'entrée en lice face à l'Argentine le 24 juillet. Ensuite le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne et la Norvège. Un groupe assez relevé hein, quand même. Les quatre premiers se qualifient donc visiblement à la portée des Français. Mais il va falloir quand même faire les matchs, jouer ces matchs, et pour aller en quart de finale, donc finir dans les quatre premiers de cette phase de poule donc, du groupe A. Oui, bien sûr, les gardiens, mais j'en ai pas parlé, Gentil, Gérard, bien sûr, qui seront présents. Guigou, le capitaine, évidemment, aussi. Yann Guessant, Quentin Mahé, Daniel Rémilly, Dikamem. Les habitudes, hein, qui ne sont pas perdues, puisqu'ils seront bien là, tous ces joueurs. Alors là, c'est un gros échange encore, puisqu'on garde un œil sur Federer Sonego. Qui très fort d'intensité, 15-30 à l'instant, et puis 30 à, puisque finalement c'est Federer qui a remporté ce point, un échange assez long, mais ça joue, et l'Italien qui donne tout pour essayer de recoller, puisqu'il s'est fait breaker, on le rappelle, mais il est toujours dans le match pour essayer de revenir à hauteur. Voilà, donc les Bleus, l'équipe qui sera là pour aller chercher pourquoi pas une nouvelle médaille olympique. Chez les femmes, ce seront une liste également de 15 sans surprise, avec donc celle d'Olivier Crumbles, bien sûr, toujours en poste, avec 7 novices en tout cas qui connaîtront leur première compétition internationale. Des remplaçants aussi comme chez les garçons, donc sans surprise aujourd'hui aussi c'était la liste hein, avec donc deux remplaçantes, une gardienne et une arrière droite qui elles par contre sont comme les garçons sont en dehors du village olympique hein, plus de sanitaire oblige évidemment, donc la liste connue. Premier match face à la Hongrie, c'est le 25 juillet pour leur tournoi olympique, voilà, et qui c'est française qui termine un deuxième stage de préparation hein, elle, et qui rencontrera mercredi à Bayonne la Norvège, voilà, après une première défaite hein, hier soir déjà face à la Norvège hein, 30 à 21, pardon, une défaite assez lourde pour démarrer avec préparation. Et donc, nouveau match à Bayonne face à Norvège. Puis ensuite, bien sûr, il y aura d'autres matchs de préparation avant le tournoi. Il y aura donc les cadres. Dans ces cas, il y aura bien sûr les cadres. Alison Pinault, qui était absente à l'Euro en fin d'année dernière, pardon, avec une blessure. Et puis, donc, d'autres qui vont faire leur début dans les jeux, voilà, et puis 14 joueuses à chaque fois dans un groupe pour chaque match, voilà, donc pour les Françaises qui se préparent donc pour ces Jeux Olympiques également. Voilà pour le jeu, pour le horn en tout cas. Un mot, mais pas hors jeu, mais hors Jeux Olympiques, concernant la Ligue des Champions féminines, avec des groupes connus pour le Brest et Metz, hein, les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions féminines l'année prochaine. Donc tirage au sort effectué ce week-end. Qui a donné des groupes relevés hein, à Brest et Metz. On rappelle Metz finaliste de la Ligue des Champions. Donc des groupes relevés. C'était vendredi le tirage au sort. Donc là le groupe B pour Metz avec des équipes qui figuraient des qualifiés pour le dernier carré hein, l'an passé. Trois équipes hein, sur le Final Four avec Győr, les Hongrois et le CSKA Moscou. Et Kristiansand, les tenants du titre, voilà, avec les Danoises de danse aussi. Donc ça va être un groupe très relevé déjà pour donc. Oula, un gros passing là pour l'Italien qui vient faire un beau point. Donc après huitième de finale donc pour les six premiers groupes, donc assez sur huit, hein, donc normalement largement à la portée de Metz et de Brest aussi d'ailleurs. Mais après pour les deux premières places, on rappelle qualificatif directement pour les quarts de finale, c'est une autre histoire, ça reste d'être compliqué. Mais voilà, en tout cas, le groupe d'abord donc de Metz et puis pour Brest avec Rostov les Russes et puis Bucarest. Voilà, il y aura aussi des clubs hongrois. Donc un groupe a priori un petit peu plus à la portée pour finir aux deux premières places. Mais on aura l'occasion d'en reparler de ces rencontres. Voilà, et puis basket, donc là aussi préparation, on y vient avec la sélection pour les jeux aussi qui est connue. Alors c'est un peu partout dans tous les sports, les compos qui ont été, pardon, les sélections qui ont été données, on en parlera aussi pour les tout à l'heure au foot avec les espoirs, enfin l'équipe olympique espoir. Qui s'envolera à Tokyo avec bah, évidemment des déceptions. On aurait aimé avoir les joueurs en forme, mais malheureusement ce sera sans, puisque les clubs ont refusé donc la venue de ces joueurs à Tokyo pour évidemment les jeux. Puisque c'était hors période FIFA et donc on a préféré ne pas les laisser partir. On en parle juste après, mais au basket en tout cas la sélection a été dévoilée aujourd'hui aussi, sans surprise aussi. Voilà, donc pour les garçons, pour les hommes, voilà, c'est fait avec 12 joueurs pour les Jeux Olympiques. Rudy Gobert, voilà, qui sera évidemment présent. Vincent Poirier, avec Nicolas Batum, on aura Nando De Colo, bien sûr, Evan Fournier, Franck Nkitita, on aura Thomas Hurtel, bien sûr, André Albici, Mustapha Fall, j'en oublie, Prêtre Corneli, qui sera finalement présent. Qui remplace Ahmad Mbaye, est blessé malheureusement. Et voilà, la sélection des 12 qui s'envoleront à Tokyo pour tenter là aussi d'aller chercher une médaille. Et puis chez les femmes, là aussi c'est connu. Malheureusement, on l'avait annoncé il y a quelques temps, hein, Olivia Poupa qui avait déclaré forfait pour les Jeux Olympiques. Après une blessure lors de l'Euro, hein, fin d'année passée, elle sera absente, hein, blessée à la cheville droite en torse. Malheureusement, elle ne sera pas les Jeux Olympiques. Hein, malheureusement, la Française, elle a passé des examens et donc elle ne sera pas remise, hein, la Française. Et sinon, la liste, elle, bien sûr connue aussi pour les 12, pour celle de Valérie Garnier. Donc écarté, il n'y avait pas écarté, donc on l'a dit. Hein. Mais voilà, on aura une équipe compétitive quand même. Sandrine Gruda, bien sûr, qui sera présente à l'intérieur. Indy Myriam, Eliana Rupert. Et puis après, on aura également en meneuse Alix Huchet et Marine Fautou à l'ASVEL. On espère que là aussi, il y aura une belle équipe pour ces jeux. Et toujours basket, mais revenons chez les garçons avec le TQO qui s'est joué. C'est la République tchèque qui s'est qualifiée et qui rejoindra le groupe de la France. C'est important pour les Français. Qui a créé une surprise, un marchand qui a carrément surclassé la Grèce. 97-72, complètement écrasé les Grecs. Donc c'est bien les Tchèques qui se qualifient pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc ils intègrent le groupe de la France. Voilà, donc les biens, les bleus, donc qu'attendait notamment peut-être le Canada, avec pas mal de joueurs NBA qui organisaient un tournoi, ou la Grèce, et bien finalement les bleus qui auront la République tchèque dans leur poule. Donc voilà, notamment oui, la Grèce qui a été privée de son joueur double MVP, hein, Ante Antetokounmpo, qui donc va disputer la finale NBA, hein, on va en parler aussi dans un instant. Et bah, les Grecs éliminés donc, et pour les Bleus, un adversaire connu, les Tchèques, 11 matchs, 11 victoires. Voilà, donc mais une dernière position, une dernière défaite qui remonte à 87 pour les Bleus, donc voilà, on espère que ça sera encore positif pour eux. Alors, première fois pour les Tchèques, hein, dans les Olympiques depuis la dissolution de la Tchécoslovaquie en 92, c'est la première participation donc des Tchèques avec les États-Unis, donc l'Iran aussi en plus, hein, dans ce groupe. Donc un groupe à la portée des Bleus, mais il veut avoir ce premier match de folie, bien sûr, face à aux États-Unis, et comme chez les femmes aussi d'ailleurs. Donc on attend ces matchs avec impatience. Bien sûr, les Bleus qui vont maintenant jouer les matchs de préparation aussi. On attend de voir tout ça. Voilà la grosse faute. On revient un tout petit mot sur le direct parce qu'il y a une faute encore au filet pour Sonego, qui est mené un 5-3. 30 à, donc t'as de grands dangers encore. Et puis Ogier Yassine qui a refait son break dans la cinquième manche décisive, 5-3. On est au même score, hein, que sur Federer Sonego, mais là il y a un 7 de plus pour Ogier Yassine qui mène dans cette cinquième manche, mais qui est à 2-2, hein, sinon dans les 7. Ouais, les points s'enchaînent. Ça, c'est sauvé. Le point remporté par Sonego, 40-30, qui va peut-être obliger Federer à servir pour le gain du second set. Donc 5-3, Zverev qui sert pour revenir à 5-4, et puis ensuite c'est Giacim, à moins que d'ici à il rebreak à nouveau, mais sinon c'est lui qui servira pour le gain du match dans un instant. Et puis Urkaz Medvedev, toujours pas de reprise, hein. Il pleut toujours, sauf avec toi bien sûr, mais sinon pour les autres, pour ce match qui reste à jouer, et bien pour l'instant on attend. Et puis c'est donc remporté par Sonego finalement, qui a sauvé sa mise en jeu, 5-4. Federer va servir pour à nouveau comme tout à l'heure à 5-4 pour le gain de la manche. Voilà pour le basket, on le disait. Et oui, pour finir avec toujours les jeux, la sélection de Sylvain Ripoll pour les jeux, pour les espoirs, foot espoir, qui a actualisé une liste de 21 joueurs. Donc pas mal de refus de clubs de libérer les joueurs, malheureusement. Il a dévoilé une liste inédite avec 11 nouveaux joueurs, au total 21. Donc en accord avec Montpellier notamment et Lille, on aura la présence donc de Dimitri Berthaud et Isaac Yadji. Si jamais besoin de s'en faire sentir, mais pour l'instant il reste en club, et s'il y a une demande et un besoin, eh bien ils seront libérés par leur club. Donc 19 joueurs pour le moment qui s'envolent, les deux Sylvain Ripoll et puis les deux en cas de besoin. Paul Bernardodi, donc gardien d'Angers, qui sera là, Dimitri Berthaud, donc en cas de besoin, on le disait, Stéphane Magic, donc les gardiens, Melvin Bard, Tony Cassie, Ismaël Doucouré, Pierre Kaloulou, Clément Michelin, Timothée Pembélé, Modibo Sagnan, milieu de terrain avec Beka, Jérémy Guelin, Enzo Lefebvre, TJ Savanier, Montpellier, Florent Thauvin, donc qui sera présent, hein, en tant que joueur plus 23 ans, on rappelle qu'il y en a 3 qui sont possibles. Savanier en fait partie également. Lucas Touzard, voilà, qui sera également présent. André Pergignac, là aussi, le troisième des joueurs de plus de 23 ans présent. On aura Colomani, joueur de Nantais. Isaac Lialchi, on le disait, en cas de besoin, le Lillois. Nathanaël Nbuku, et puis Arnaud Nordin. Donc malheureusement, plein de joueurs qu'on aurait aimé voir, mais qui ne sont pas là, des Mbappé, des Kamavinga, voilà, Badiachil, enfin voilà, il y avait plein de joueurs qu'on aurait aimé voir, mais malheureusement qui ne seront pas au rendez-vous. Voilà, parce que les clubs n'ont pas, on le rappelle encore une fois, libéré ces joueurs. Mais après, ça peut aussi être une décision qui peut se comprendre. Ça, c'est un autre débat. Les Bleus, donc, du coup, ont terminé leur préparation, pardon, qui a commencé aujourd'hui sa préparation pour ces jeux. Voilà, donc, les joueurs ont entamé leur séance d'entraînement aujourd'hui. Donc, tu as 2 semaines du tournoi. On donnera bien sûr la suite des rendez-vous pour eux. 3-7 pour Roger Federer qui est à l'aise sur son jeu de service décisif pour remporter ce set et qui pourrait dans un instant mener 2-7-0. On va suivre ces balles, peut-être il y en aura qu'une, mais on va suivre déjà cette première balle de set. C'est une première balle et ça passe puisque le retour est dans le filet de 7-0 pour Roger Federer. Qui bien dans ce match, qui n'est pas trop mis en difficulté sur ses jeux de service, et au contraire, qui et on va peut-être vivre. Non, c'est dehors, mais on est à. C'est CRF, c'est GLSI, donc qui sait pour le match, hein, finalement. 30-15, ouais, c'est ça, donc la fin du match est proche. Peut-être CRF qui va peut-être quitter le tournoi, mais en tout cas, on a affaire à un. Un Canadien qui réussit bien sur gazon depuis quelques semaines, qui avait sorti d'ailleurs Roger Federer lors de la reprise à Genève sur gazon et donc qui pour l'instant est en passe de se qualifier pour les quarts de finale premiers ici à Wimbledon. On va suivre, alors on n'est pas encore sur le match, on est à 30-15. On va voir si il va se procurer 2 balles de match. En tout cas, c'est bien servi, c'est bien remis aussi par Zverev. L'amorti, oh, c'est magnifiquement exécuté. Cet amorti, Zverev, qui était complètement à l'opposé à gauche, et une amorti juste derrière le filet sur la droite hein, du court. C'est magnifiquement exécuté. Zverev y était, mais un poil trop tard. Ça fait 2 balles de match pour le Canadien. Sur ce court numéro 1. On va la suivre, bien sûr, cette première balle de match. Un match de 4 heures, tout juste à l'instant. Gros marathon. Cette première balle de match, elle est là pour le Canadien qui va servir sa première balle. C'est parti. Ça passe, c'est bien remis. Oula, par contre, ce retour, ce retour est complètement raté ensuite à la suite du retour de Zverev. Il a complètement manqué son coup suivant. Mais il va avoir une deuxième occasion de conclure tout de suite, le Canadien. Voilà, qui fait un beau parcours pour l'instant et qui va, en cas de qualification, continuer. On va d'ailleurs parler du tableau dans un instant, puisqu'on va enchaîner avec le tennis et puis le foot pour terminer. Deuxième balle de match pour le Canadien. C'est parti. Donc, une première qui reste dans le filet. On va jouer cette deuxième balle de match sur une deuxième balle. Pour le jeune Canadien, c'est parti pour cette deuxième balle qui passe, c'est bien remis, ça joue et il va peut-être conclure là-dessus. Et non, Zverev, le match final, c'est fait, ça y est, c'est terminé pour le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime qui vient de faire un petit exploit, on peut le dire, face à Alexander Zverev. Qui était assez attendu sur ce tournoi, mais c'est bien le Canadien qui a été meilleur en 5 manches, qui menait 2-0. Zverev qui était revenu assez rapidement, en moins d'une heure, à 2 partout. Puis finalement, cette 5e manche qui a tourné l'avantage du Canadien, qualifié pour son premier quart de finale ici à Wimbledon. Et on va voir tout de suite d'ailleurs le programme des quarts de finale, enfin les premiers en tout cas quarts de finale connus. Tiens, et puis une info qui vient d'arriver aussi à l'instant, qui concerne les Jeux Olympiques et les porte-drapeaux français. C'est l'info qui est tombée il y a 5 minutes seulement. C'est donc Clarisse Amgegenou et Samir Ait Saïd qui ont été choisis pour être porte-drapeaux de la délégation française donc aux Jeux Olympiques de Tokyo. La judo 4 et donc le gymnaste qui ont été désignés en porte-drapeau, voilà. Et pour les Jeux Paralympiques, Sandrine Martinet également au judo, et Stéphane Houdet le tennis bien sûr, qui mèneront le groupe E des Paralympiques, qui aura lieu un petit peu plus tard. Voilà, donc en tout cas, c'est fait, donc c'est décidé avec donc un duo mixte, hein, voilà, Teddy Riner qui avait été le seul, il n'y avait qu'un seul à ce moment-là, et donc il y en aura deux sur cette édition de Tokyo, donc deux Français, bon, porte-drapeau. Donc Teddy Riner en 2016, hein, ça a été annoncé en direct tout à l'heure au JT de 20h de France 2. Il a été désigné par plusieurs athlètes français, un vote qui a eu lieu tout le week-end, et chaque fédération représentée au jeu a désigné deux ambassadeurs, donc, qui étaient invités à choisir ceux qui mèneront la délégation française. Il y avait trois sportifs par vote préférentiel, et donc au total 12 candidats qui étaient en lice quand même, avec 7 femmes. On avait Joanne Defer en surf, Samrine Gruda en basket, Amadouche la boxeuse, Kristina Mladenovic au tennis, Meïna Omer-Michon au lancer, Charline Picon à la planche à voile, et puis 5 hommes, donc le gymnaste Saïr Aït Saïd, Maxime Beaumont au canoë, Renaud Lavillenie bien sûr à la perche, Flore Manodou et Astier Nicolas en l'équitation. Mais finalement, qui avait dû le Français, qui est le cavalier, qui a dû renoncer au jeu jeudi en raison d'une blessure de son cheval. Malheureusement, il n'ira pas lui au jeu. Donc voilà, c'est fait donc pour le choix. Puis Sandrine Martinez et Stéphane Houdet, donc par drapeau des Jeux Paralympiques, eux qui ont lieu dans la foulée. Hein, donc les Jeux aux Olympiques, eux, du 23 juillet, au 8 août, et puis ensuite du 24 août au 5 septembre. Les Paralympiques, donc dans la foulée. Voilà, donc pour ces deux choix. On referme cette petite parenthèse, mais voilà, l'actualité en direct. On en parle évidemment. Donc le tennis, on disait donc à l'instant, qualification donc de Félix Auger-Aliassime, le Canadien qui s'est qualifié donc pour le quart final, il affrontera Matteo Berrettini. Donc en quart de finale, après lui sa victoire en 3 manches, hein, plus tranquille, 6-4, 6-3, 6-1 face à Iva Ivashka, biélorusse. Donc Auger-Aliassime sorti d'un duel au sommet Poziel Zverev, la tête sur le numéro 4 quand même du tournoi, 6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4. L'autre quart de finale connu, Novak Djokovic, le Serbe qualifié lui très tranquillement aussi face à Christian Garin, 6-2, le Chilien, 6-2, 6-4, 6-2, sera opposé à Martin Fuchsovics, le Hongrois, en quart de finale, donc ce sera dans 2 jours. Lui, il est sorti, le Hongrois vainqueur, là aussi d'un duel en 5 manches face à Andrei Rublev, le tête de série numéro 5, donc 2 grosses têtes de série sorties, hein. Le score 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3. Ça, c'est donc la première affiche. Djokovic Fuchsovics, et puis enfin la troisième qu'on connaît, c'est Karen Khachanov face à Denis Shapovalov. Khachanov lui a eu là aussi un match marathon face à Cordal l'américain, 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8 dans la cinquième manche, et Denis Shapovalov lui plus tranquillement face à Bautista Agut, 6-1, 6-3, 7-5. Le dernier quart, on l'attend entre ou Roger Federer ou Lorenzo Sonego. Pour l'instant, c'est le Suisse qui mène 2-0 dans sa rencontre. Et puis l'autre rencontre qui est toujours interrompue par la pluie, puisque sur le court numéro 2, le toit n'est pas existant, tout simplement. Et pour l'instant, c'est le Russe qui mène 2-1. Et on est à 4-3 dans la quatrième manche où aucun break n'a eu lieu. Donc voilà, on attend cette rencontre, peut-être qu'elle se terminera que demain. En tout cas, ça va être dans un instant, la reprise Federer d'ailleurs, ça y est, qui d'ailleurs vient de faire le break, ça a été très très vite. On était en train de suivre la fin du match de Félix Auger-Aliassime avec son interview d'après-match, et finalement bah ça a été, le Suisse lui s'est emparé du service de l'Italien très très vite, hein, voilà, 30-40, il y a eu une seule balle de break, mais ça a suffi, break d'entrée, et son ego qui est un peu entré dans une colère aussi, qui était pas loin de casser sa raquette après un coup droit dans le filet, qui lui a fait perdre son jeu de service, qui n'en demandait pas tant, et finalement bah voilà, il a enchaîné ensuite 40 jeux blancs qui a déroulé. Donc dans le jeu suivant, 2-0 donc pour le Suisse qui voilà s'ouvre tranquillement une petite porte pour les quarts de finale. Même si le match n'est pas fini, il peut encore se passer évidemment plein de choses, mais pour l'instant c'est plutôt assez bien engagé pour l'Italie, pour le l'Italie, pour le Suisse, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. C'est vrai, beaucoup de doutes sur son physique après des tournois, notamment celui, on le disait tout à l'heure, à Genève, et puis il redémarre très très fort, hein, ce jeu de service 0-15 déjà, italien qui sert un peu moins bien, qui est un petit peu moins, c'est vrai que le gars l'a perdu deuxième set aussi, l'a peut-être mis un petit peu plus dans le dur, mais pour l'instant ben c'est ça enchaîne, c'est un nouveau point consécutif pour le Suisse, sixième point consécutif, et il mène 0-15, enfin là, elle est pas bonne cette première balle, et donc ben voilà, il va tenter de remporter son premier jeu de service italien, mais ça semble déjà très compliqué dans ce début de troisième set. Le Suisse qui a fait, oh là là, ce retour, est-ce qu'il est bon, mais en tout cas il était bien tenté. Ouais, il est bon, voilà, incroyable. Sur cette deuxième balle, Federer s'est décalé sur la gauche pour s'ouvrir un angle énorme. Et bah voilà, elle est bonne, cette balle, elle est même très bonne, juste avant la ligne. C'est bien décalé côté coup droit et c'est un super retour qui passe. 0-30 déjà. Déjà dans ce troisième jeu de service, ça peut aller très vite. La première encore n'est pas bonne, ouais, je vous le disais, il servait moins bien l'italien. Ça continue, le doute aussi s'est peut-être installé après la perte rapide du premier jeu, hein, dans ce set. Est-ce qu'il va réagir, on va voir. En tout cas, l'échange cette fois s'installe, et tout le monde, les deux joueurs qui remettent tranquillement, mais ça s'accélère un petit peu. Et voilà, encore une faute directe dans le filet, celle-là, je sais pas combien c'est, mais ce set, c'est déjà beaucoup trop, et 3 balles de double break déjà pour Roger Federer, qui pourrait, en cas de break à nouveau, là, presque plier le match, hein. Parce que là, on voit pas le Suisse réagir pour le moment, et le Suisse, là, qui est vraiment à fond dans ce début de troisième set. On voit qu'il a pas envie de s'éterniser sur le court aujourd'hui. L'interruption, c'est tout à l'heure. Il a envie de fermer rapidement. Voilà, donc on va voir si déjà il peut prendre cette balle. En tout cas, une grosse première remise. Un amorti qui va... Ouais, c'est bien remis. Federer qui va aller chercher cette balle en lob. Elle est dehors. Non, elle est bonne. C'était un point important. Il fallait remporter. Une amorti que Federer a eu beaucoup de mal à aller, alors que ça va démarrer bientôt aussi sur le court 1, puisqu'il y a le dernier huitième femme, on en parle après. Mais une amorti que Federer a eu beaucoup de mal à récupérer. Finalement, ça a été possible. Et puis d'ailleurs, le lob, trop compliqué pour Federer à aller chercher, qui a terminé sa course avant la ligne. Donc ça fait 15-40, toujours encore 2 balles de break pour le Suisse. Une première, oh là là, beau retour encore. Une amorti pour Federer, est-ce qu'elle va passer? Oui. Et tranquillement, est-ce qu'il va... Voilà, le réflexe de Sonego. Incroyable ce point encore. C'est sauvé encore cette balle de break. Incroyable point. Les deux joueurs filés. Federer qui avait fini, semblait-il, un point gagnant. Et finalement, un réflexe énorme de Sonego qui a lobé Federer. Qui a été chercher cette balle. Mais derrière, l'Italien au filet a pu conclure tranquillement en amorti. 30-40, il vient d'en sauver deux. Est-ce qu'il va sauver cette troisième? On va voir. En tout cas, pour l'instant, les deux premiers ont été sauvés de belle manière. Et on va voir s'il peut sauver encore cette troisième. Son premier service semble être revenu. Est-ce qu'il ça va toquer encore sur cette troisième? Ouais, c'est encore une première qui passe cette fois-ci. Oh là là, ça joue, hein. Elle est dehors. Ouh là là, elle est annoncée dehors. Il va challenger. Si c'est le cas, si elle est dehors, ça fera un break. Visiblement, Federer va déjà s'asseoir. Il a déjà vu... non, elle est même pas challengée, j'ai l'impression. Non, elle est même pas challengée, cette balle. Ça fait 3-0, double break d'entrée pour le Suisse, qui a fait qui a pris une grosse option pour la victoire dans ce troisième... Enfin, pour la victoire dans ce troisième set et dans ce match, donc. Voilà les quarts, messieurs, qu'on attend. On attend ce dernier. Chez les dames, bien sûr, on est aussi... en quart, puisque tous les huitièmes se jouent aujourd'hui, hein, c'est une particularité à Wimbledon. On ne joue pas le dimanche qui sur la première semaine, mais on joue ensuite tous les huitièmes en même temps sur une seule journée, ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, donc mais c'est la dernière saison, puisque l'année prochaine on jouera à nouveau le dimanche de la première semaine, donc ça va bouger. Le match qui démarre, c'est le dernier huitième femme c'est entre la Britannique Raducanu, qui a bénéficié d'une invitation pour le tournoi, qui affronte Tom Lajovic, l'Australienne, qui surprend dans ce Wimbledon, puisqu'elle a sorti Ostapenko au tour précédent, Alizé Cornet aussi au deuxième tour, et également une victoire en deux manches au premier tour. Donc elle est au rendez-vous des huitièmes. Face à une surprenante aussi britannique à domicile qui s'est qualifiée après, donc on le rappelle, avoir bénéficié d'une invitation qualifiée pour les quarts de finale. Ça va démarrer dans quelques secondes. C'est le dernier match à jouer pour connaître l'ensemble des quarts de finale. On rappelle la numéro 1 mondiale, Schlebarty, qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire en deux manches. Les autres quarts, Muchova face à Kerber, Pliskova face à Golubic, la Suissesse, et puis Yaber, la Turque, face à Sabalenka, la Biélorusse, tête de série numéro 2, qui tient son rang. Les deux têtes de série tiennent leur rang pour l'instant dans ce tournoi, dans ce tableau dames. Un petit mot du double, on en a parlé tout à l'heure, malheureusement c'est fini. Déjà pour les Français, Pierre Guerbert, Nicolas Mahut, qui ont dû renoncer à jouer leur match après une blessure qui s'est réveillée pour Pierre Guerbert, et malheureusement c'est déjà fini pour les Français qui n'iront pas chercher un nouveau titre. Et c'est fini aussi pour l'autre paire française, Jérémy Chardy et Fabrice Martin, qui étaient ensemble sur ce double, et qui ont été éliminés en 8e de finale. Donc plus de Français malheureusement dans le tableau double, le tableau simple d'ailleurs évidemment. Et puis chez les dames, là non plus pour l'instant pas de Françaises qualifiées donc sur ce tableau double femme. Presque 21h45, c'est le score sur le jeu de service de Roger Federer, et le jeu est fait 4-0 tranquillement. Là il va aller chercher tranquillement ce match sans trop dépenser d'énergie sur ce troisième set. On va le voir en tout cas sur la suite de cette rencontre. Est-ce que l'Italien va revenir? Il semble quand même bien abattu après ce double avec très rapide. On va voir s'il peut réagir. Et puis ça, on va suivre un petit morceau aussi de l'autre match chez les dames qui démarre. Et puis malheureusement, pour le moment, ça ne repart pas. Et ça me semble pas repartir pour donc le quart. L'huitième, pardon, des hommes, Urkas Medvedev, puisqu'il pleut toujours, et le toit qui n'existe pas sur le 2 fait durer cette rencontre qui est même annoncée à l'instant reportée. Ça y est, quand même, ça y est, c'est décidé. Donc entre Daniel Medvedev et Hubert Urkas, qui a été reporté à demain, il faudra attendre demain pour voir la fin de ce match. Et qui pourrait faire les affaires peut-être si Roger Federer vient à s'imposer ce soir, qui pourrait permettre aux Suisses d'avoir une récupération un peu plus longue, parce que voilà, Medvedev Urkas qui n'est pas fini en plus ce match, loin de là, puisqu'on est à 2-1 pour le russe, et il n'y a pas de break dans le cinquième manche, donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de fraîcheur pour Federer, puisque donc les deux joueurs vont revenir demain. Voilà, donc ça c'est officiel. Il pleut, là ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, puis ensuite la pluie évidemment, la nuit pardon, de toute façon fait arrêter les débats. Donc voilà, on va suivre la fin de Federer Sonego et le début en tout cas de l'autre match chez dames. Puis une dernière info aussi, toujours tennis, les Jeux Olympiques là aussi, on avait annoncé évidemment une hécatombe de joueurs blessés qui eux n'iront pas donc on le disait à Tokyo, c'est le cas notamment pour Nadal qu'il a annoncé qu'il était déjà pas présent ici à Wimbledon et qui annonçait non plus ne pas être à Tokyo après une saison éprouvante sur terre battue, qu'il l'a vu perdre son titre en plus à Roland Garros, et donc voilà, il n'y sera pas. Mais en revanche, Roger Federer, lui, sélectionné par l'équipe olympique suisse pour les Jeux Olympiques, même si lui n'a pas encore confirmé alors sa venue, même si c'est l'un de ses objectifs de la saison, peut-être de sa dernière saison avec Wimbledon, il n'a pas confirmé qu'il serait présent. Et il annoncera sa participation ou non d'ailleurs au tournoi après Wimbledon. Voilà, donc en tout cas il figure dans cette liste de 116 athlètes suisses qui feront le voyage à Tokyo voilà pour aller chercher, pourquoi pas, lui, le Suisse, un premier titre olympique en simple, voilà, puisque on le sait, il avait remporté déjà le double avec Stan Wawrinka en 2008 à Pékin, mais il avait par contre perdu en finale déjà à Wimbledon, c'était en 2012 à Londres face à Andy Murray, qui lui d'ailleurs est double tenant du titre puisqu'il a remporté le titre en 2012 et en 2016. Et il va devrait a priori jouer les jeux pour aller chercher pourquoi pas un troisième titre consécutif. Et puis le Britannique qui a joué à Wimbledon cette saison, cette année, et qui malheureusement a été battu assez rapidement, mais voilà, on le sait, il est de retour tout doucement après les opérations à la hanche, le Britannique. Et il a pu quand même faire son retour sur ce tournoi qu'il aime tant à Wimbledon. Il a été battu après un combat assez énorme. Il a perdu au troisième tour, après un combat au deuxième tour énorme face à Oscar Otte, l'Allemand, en cinq manches. Et puis il a ensuite battu le Britannique par Shapovalov. En trois petites manches sèches, mais voilà, c'est un retour en douceur, et il sera a priori présent au jeu pour aller chercher, pour défendre son double titre. Petite alerte sur le service du Suisse qui est mené 15-30 sur son autre service. Je rappelle qu'il a un double break en poche, mais pour l'instant il n'est pas un petit peu mené sur ce jeu de service. Le Métanien qui n'a pas lâché a priori, hein, qui est toujours là, même s'il est mené assez largement. Celle-ci est bonne, ça fait 30-1. Voilà, on met tout de suite les choses dans l'ordre, le Suisse. Voilà. Et donc pour revenir sur Murray, le Cameray, là, qui sera à Tokyo, et on ne sait pas dans quel état, mais a priori pour l'instant il y sera, puisque Wimbledon, au-delà de sa défaite au troisième tour, c'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de rechute pour lui. Voilà donc pour le tennis, on suit bien sûr la fin des matchs, et on va attaquer dans cette dernière demi-heure la partie foot, bien sûr, tout de suite avec bien sûr la suite et la fin. Ça passe finalement pour Federer, 5-1 pour lui après un jeu de service, bon, finalement sans trop de difficultés, même si ça avait un petit peu moins bien démarré. L'Euro bien sûr et la Copa América sont les deux compétitions qui jouent la dernière semaine. Et un mot ensuite sur évidemment les transferts, il y a pas mal de choses encore à jouer. On va suivre ça dans un instant. L'Euro, donc c'est la dernière semaine, les demi-finales qui se joueront demain et mercredi, avec des matchs attendus, et surtout demain avec Italie-Espagne. Ce sera donc demain soir, 21h. L'Italie qui s'est brillamment qualifiée donc pour cette demi-finale en battant la Belgique. C'était un match très attendu. Victoire 2-1, tout s'est joué en première période. C'est d'abord Barella qui a ouvert le score pour les Italiens avant la pause, Insigne qui a permis à l'Italie de faire le break. Et puis juste avant la pause, c'est Lukaku qui a donné espoir aux Belges dans le temps additionnel. Et finalement, l'Italie s'est qualifiée, qui a conservé son but hein, jusqu'au bout. Belgique, première du classement FIFA, on le rappelle. Hein. Mais Belgique, finalement, qui n'a pas réussi à cadrer en deuxième période, ce qui a fait pas mal de la différence. Et donc, qui sera opposée à l'Espagne. L'Espagne qui a eu toutes les peines du monde à se qualifier, elle, de son côté, face à la Suisse. qualification au tir au but. D'abord l'Espagne qui a ouvert le score par Zakaria contre son camp tout début de match, puis Shaqiri qui a égalisé pour la Suisse qui a même joué presque un peu plus de 3 quarts d'heure à 10, puisque dans le dernier quart d'heure de la rencontre, expulsion méritée, hein, il faut bien le reconnaître, pour le Suisse Froller. Puis toutes les prolongations à 10, finalement la Suisse qui a tenu bon et qui a emmené cette Espagne au tir au but, comme elle l'avait fait déjà, comme elle l'avait déjà fait face à la France, avec moins de réussite cette fois, puisque c'est la Suisse qui a été sortie au tir au but après 3 échecs, hein, voilà, 2 arrêts et une frappe au-dessus. Ça a démarré pourtant bien pour eux, puisque Busquets avait raté son premier tir au but, mais finalement ça s'est inversé. Et c'est l'Espagne qui se qualifie, qui aura l'occasion d'aller chercher un 4e titre européen. Pourquoi pas un peu plus tard dans le tournoi. La Suisse qui sort à Kaisonneur, hein, après avoir fait un parcours honorable, hein, une phase de poule terminée à la 3e place, mais l'exploit ensuite face à la France en 8e, qui a fait très mal aux Français, évidemment, après un match scénario fou. Et donc la Suisse, voilà, qui aura fait un gros parcours. Première participation en 8e de finale et en quart, pardon, même. Donc grosse performance, mais ça s'est malheureusement arrêté. Ça s'est arrêté sur cet échec au tir au but. Et puis l'autre demi-finale, ce sera entre l'Angleterre qui a eu aucune peine à se défaire de l'Ukraine 4-0. L'Ukraine qualifiée après un scénario fou aussi contre la Suède, hein, puisque on semblait se diriger vers une prolongation, vers le tir au but, pardon, et l'Ukraine qui avait remporté cette rencontre en toute fin de match à la 121e minute après vraiment dans le temps additionnel, et qui s'est évité une séance de tir au but très stressante et qui avait été chercher ses quarts de finale avec pas mal de surprises. Et puis donc l'Angleterre qui sera au rendez-vous bien sûr des demi après victoire 4-0. Et puis l'autre de demi-finale, l'autre adversaire sera le Danemark, qualifié brillamment après une victoire d'abord face au Pays de Galles 4-0, si on monte un petit peu plus loin, et puis une victoire face à la République tchèque 2-1. C'était samedi soir, 2-1, donc qualification de Danois qui ont fait le boulot en première période et donc qualifié pour les demi-finales pour la première fois depuis 92, hein, et l'épopée où elle avait vu qualification et la victoire, pardon, des Danois, et voilà, qui ont fait la différence en première période, et donc ça passe et ça fera une demi-finale encore pour les Danois, qui seront posés à l'Angleterre à domicile, puisque le dernier carré se jouera à Londres, on le rappelle, donc mercredi, donc demain Italie-Espagne, mercredi Angleterre-Danemark, dimanche la finale bien sûr à Wembley. À 21h, pas de match pour la 3e place à l'Euro. C'est pas le même scénario qu'en Coupe du Monde, mais on a hâte en tout cas de voir déjà cette demi-finale pendant 2 jours. Le Suisse qui sert pour le gain du match, puisqu'il mène 5 jeux à 2, pardon, dans cette 3e manche, et on va suivre ce jeu de service, voilà, qui démarre à l'instant, qui démarre plutôt bien puisqu'il mène 15-0 après un coup là contre-pied qui permet aux Suisses de remporter ce premier point de ce jeu de service. 15-0, il est à 3 points du match, le Suisse, qui retrouverait, on le rappelle, en cas de victoire, soit le Russe Daniil Medvedev, soit le Polonais Hubert Hurkacz, dans le match qui se terminera demain, hein, après l'interruption à cause de la pluie. 15-0, donc on va suivre la fin de ce jeu, hein. Ce sera une deuxième balle pour jouer ce point après un premier qui est sorti sur le côté. Celle-ci est magnifique, elle a été chercher l'angle, enfin c'est un beau coup encore joué par le Suisse là, incroyable coup. Autant des fois il est sur courant alternatif avec des vilaines fautes directes, mais quand il se met à jouer, il peut sortir des très beaux coups encore, le Suisse. 30-0 donc, à 2 points du match. Chelsea est encore dehors, pas de première, mais c'est pas grave puisqu'il y a encore un avantage de 30-0. Deuxième balle, c'est parti pour cette deuxième, elle est bonne. Service volé, ah non, c'est manqué, service volé qui était bien joué, mais cette volée justement qui a fini dans le filet. C'est un peu trop précipité, là, le Suisse, il avait peut-être un manque de timing, mais elle a fini dans le filet. 30-15, encore 2 points du match. C'est parti pour ce nouveau service qui finit encore dans le filet. Pas de première dans ce jeu de service. Mais toujours l'avantage dans cette mise en jeu. Ça passe aussi ce deuxième. L'échange qui cette fois se met en place. Et on repart sur des diagonales énormes. Encore des points. On a vu quelques beaux points, comme quelques beaux échanges. Et elle est dehors, ce revers de l'Italien dans le couloir. Ça sort. Et ça fait 2 balles de match pour le Suisse. Le center court est en feu, évidemment. Qui n'est pas plein, mais qui sera d'ailleurs plein à partir des quarts de finale. C'est ce qui a annoncé l'organisation. Là, c'est quand même déjà très plein. Mais on sera vraiment au complet à partir des quarts de finale. Pour ce center court et pour tous les courts d'ailleurs. C'est parti. Cette première, elle touche le filet, elle sort encore. Ce sera une deuxième, encore une fois. Pas de première sur ce jeu, mais c'est pas grave. Il a quand même 2 balles de match à jouer. La deuxième est encore dehors, elle est bonne. La deuxième, ça sort en longueur, c'est fait. Le Suisse qualifié pour les quarts de finale. Après un match quand même bien maîtrisé. 3-7-0, hein. Faut bien le reconnaître. Italien qui aurait pas réussi à tenir la longueur et qui avait fait une belle première manche, mais finalement il a craqué en fin de première manche, et puis derrière il a été dépassé, pris de vitesse par le Suisse qui s'impose et qui rejoint encore une fois le quart de finale de Wimbledon. C'était notre participation, on rappelle, en 2020, en 2019, pardon, parce que le tournoi n'avait pas eu en passé. C'était une finale, enfin, ça a dû être une finale exceptionnel, et c'est fin de parcours pour l'Italien qui salue le public et qui est ovationné, qui a fait un très beau parcours ici, mais battu cette fois par plus fort que lui, mais qui est tout sourire quand même. Il sait qu'il a réalisé une belle prestation et un beau tournoi, et il s'attarde même un petit peu pour les photos avec les fans. C'est sympa, et qui est tout sourire, hein. Il sait que voilà, il a fait un match intéressant, mais ça n'a pas suffi. Il est peut-être un peu frustré, mais ça se voit pas en tout cas en première vue pour lui. C'est fini que le score, on le rappelle, 7-5, 6-4, 6-2. Un premier set accroché, on le disait, jusqu'à 5-5. Et l'interruption ensuite, et puis au retour, son ego qui a craqué tout de suite. Finalement, ça s'est fini à 7-5, et puis 6-4, 6-2. Voilà, ça fait en 2h18 de match, qui n'a pas trop puisé dans les réserves, le Suisse, qui est en interview maintenant, et qui aura rendez-vous donc avec Medvedev ou Urkas mercredi, puisque demain se finira ce 8e qui n'est plus terminé avec la pluie. Revenons donc l'Euro, voilà, finale dimanche, bien sûr, attendu, peut-être un nouveau titre pour l'Italie ou l'Espagne, ou alors peut-être les Danois qui vont peut-être créer l'espoir, on verra, qui remportait un titre en 92, on le rappelle, ça avait été un exploit. Et puis pourquoi pas aussi l'Angleterre, bien sûr, qui fait un gros tournoi. Très longtemps qu'on n'ait pas vu des Anglais aussi efficaces. Et qui n'ont jamais remporté en revanche le championnat d'Europe. Hein. Troisième meilleur résultat en 68. Et donc voilà, on verra si c'est la première victoire ou pas. C'est la seule équipe d'ailleurs sans victoire dans un euro. Et ce serait peut-être la première à domicile. Et une autre compétition qui joue sa dernière semaine, c'est la Copa América. Voilà, avec là aussi les demi-finales à jouer. Le Brésil s'est qualifié donc face au Pérou en battant la Chili 1-0. Match accroché et finalement victoire donc un but de Paqueta pour le Brésil, alors que le Brésil a joué toute la deuxième mi-temps à 10, mais finalement ils s'en sortent, les Brésiliens qui se qualifient. Le Pérou sera au rendez-vous puisque le Pérou a battu le Paraguay au petit rebut 3-3 dans le temps additionnel, match avec pas mal de buts, hein. Et puis c'est le Paraguay qui a craqué dans les tirs au but, donc qualification du Pérou qui sera au rendez-vous des demi-finales. face au Brésil. Et puis en bas, l'Argentine qualifiée après une victoire plus tranquille face à l'Équateur 3-0. Avec un but de Messi pour finir le spectacle. Et ce sera face à la Colombie, qui de son côté a battu aussi au tir au but l'Uruguay. Pas de but. Et 4-2 dans les tirs au but dans la séance. Avec Cavani et Suarez qui avait marqué leur tir au but, mais c'est Jiménez et Vigna qui ont manqué. Donc la Colombie a réussi ses 4 tirs. Donc Colombie, Argentine. Donc déjà première demi-finale cette nuit, hein, Brésil-Pérou à 1h du matin. Vous pouvez la suivre sur l'équipe, le site l'équipe, pas la chaîne, le site l'équipe. Et puis le lendemain, enfin la nuit suivante, Argentine-Colombie, ce sera par contre à 3h. Et la finale dimanche aussi, mais à 2h du matin. Voilà, donc vous pouvez suivre les deux matchs. Et puis la petite finale, puisqu'il y en aura une dans cette Copa América, la veille, donc le 10 à 2h du matin. Finale à Rio et demi-finale à Brasilia, donc les Brésiliens à domicile, pourquoi pas vainqueur encore une fois. Voilà pour la Copa América qui se poursuit. Un petit quart d'heure pour parler de Mercato, ça bouge. Avec bien sûr l'info d'aujourd'hui, c'est Sergio Ramos à Paris. Ça y est, ça vient de se. Ça, c'est officiel depuis quelques heures. Avec l'Espagnol pas retenu par l'Espagne à l'Euro, on rappelle, hein, prêt pour ce défi en tout cas physiquement, qui semble être encore présent. Donc un accord entre le PSG et Ramos a été trouvé aujourd'hui, hein, 35 ans, qui est en fin de contrat avec le Real, hein, et en revanche pour l'instant la durée du contrat n'est pas connue, mais en tout cas l'accord lui est signé. Et donc si jamais la visite médicale se passe bien, donc qui aura lieu demain, sera parisien. Voilà, donc avec un défenseur très expérimenté, hein. Rappelle un palmarès quand même impressionnant en club et en sélection. Et on espère que ça va être une belle saison pour lui. En revanche, le petit point négatif, c'est les pépins physiques de la saison passée, hein, pas mal de fois blessé. Un nouveau défenseur central avec Marquinhos et Kimpembe, défenseur central international, qui devrait peut-être pousser Diallo ou Kerrer à la sortie et au départ, peut-être, on le verra. Donc Ramos, ça c'est officiel. L'autre officialisation pour Paris, c'est Achraf Hakimi qui arrive à Paris, ça c'est fait, le latéral marocain qui va passer sa visite médicale là aussi demain a priori, qui lui devra s'engager aussi. Une autre arrivée importante pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ce qui attaque fort. Ces transferts. Les autres infos. Alors, bien sûr, on va parler aujourd'hui. Tu as une autre info avant qui concerne Monaco. Oui, avec la blessure de Benjamin Lecomte, le gardien titulaire, victime d'une déchirure lors du premier match de préparation de Monaco. Déchirure à la cuisse, il devrait être absent environ un mois, donc bon, pas d'inquiétude, il devrait être remis pour le début de saison, mais en tout cas petit contretemps dans cette préparation face à le Red Bull Salzbourg, qui s'est bien passé pour Monaco, puisque Monaco a remporté match 3-1 pour les monégasques. En tout cas, Benjamin Lecomte déchire au quadriceps, a priori autour d'un mois, donc ça devrait quand même être bon pour le début de saison. Mais en revanche, pour le tour préliminaire des champions, ça semble plus compromis. Monaco qui jouera le 3 ou le 4 août, pardon, ce match de préparation. Autre arrivée pour Monaco, c'est la signature donc de l'Allemand Alexander Nubel, le président du Bayern, qui est en prêt. Suisse devrait pour l'instant prendre cette place. L'Allemand, donc, pour pouvoir jouer les matchs de préparation à venir, bien sûr. Et pourquoi pas aussi les matchs de préparation. Les matchs de Ligue des Champions, puisqu'il y aura ce troisième tour préliminaire. À jouer. Pour l'instant, on n'est pas, puisqu'il reste encore des matchs à jouer. On a joué pour l'instant les pas le, le tour de qualification, mais les préliminaires. Il y a toujours il y a des petits matchs de préliminaires. Il y avait dès la fin juin, il y a déjà des matchs voilà, de préliminaires pour qualifier des équipes, des clubs au premier tour de qualification. Et ensuite, on va jouer dès demain et la semaine prochaine le premier tour de qualification des champions. On enchaînera ensuite le deuxième, fin juillet, et le troisième ensuite, bien sûr, début août, avant les barrages. Donc il y a quand même pas mal d'étapes à passer. Monaco devra jouer 4 matchs si il veut arriver jusqu'en phase de poule. Deuxième qualification, quand même, des équipes comme Eindhoven, Galatasaray, Rapid Vienne, Sparta Prague, qui pourraient se mettre sur le chemin de Monaco, ou Celtic Glasgow. Mais voilà, on verra après la fin juillet les équipes qui seront encore présentes. Voilà, donc pour Monaco, petit contretemps pour Benjamin Comte, victime d'une déchirure. Ludovic Butel, le gardien d'Angers, qui devrait s'engager au Red Star dans les prochaines heures. On a donc d'autres annonces, avec aussi chez les coachs, puisque voilà, les transferts, c'est aussi valable pour les coachs, les entraîneurs, avec l'arrivée, on l'avait annoncé, Galtier, hein, à Nice, qui va remplacer, c'est Jocelyn Gourvennec qui a été nommé entraîneur de Lille. Ça a été annoncé tout à l'heure d'ailleurs. À 49 ans, il se succède donc à Christophe Galtier sur le banc de Lille, qui va reprendre un club champion de France et qualifié pour la Ligue des Champions. Donc voilà, très sympa pour lui. Finalement, a été annoncé que Claudio Ranieri ne sera pas nommé à sa place. Voilà, donc ça, avec après un petit peu d'attente, c'est donc Jocelyn Gourvennec qui va prendre les rênes des Lillois. Voilà donc pour les premières annonces. C'est le début, hein, encore assez tendre, ces transferts. Je cherche si on a d'autres infos. Non, pas d'autres infos. Alors Marseille, oui, quand même, on va en parler, puisque Marseille qui fait pas mal de transferts, hein, qui s'agite, tout ça autour de tous ces transferts, avec pas mal d'arrivées. Voilà, on sent que le club a envie de faire une meilleure saison que la saison passée, quand même, qui avait fini à la sixième place, c'est ça. Et donc pas mal d'arrivées quand même côté marseillais à venir. On fera un point, bien sûr, sur tous les transferts un petit peu plus loin dans cette période de transfert. Mais voilà, on sent que quand même ça bouge un petit peu partout pour Marseille, et pas mal d'arrivées. Voilà, et puis Paris aussi, qui lui de son côté devra céder les joueurs, puisque s'il y a eu deux arrivées, bien, il y aura aussi des départs. Forcément, il va falloir faire l'équilibre dans tout ça. Mbappé, lui, qui est toujours qui attend toujours sa, enfin attend toujours plutôt la décision de Mbappé quant à un départ au Real, ou rester encore une saison supplémentaire à Paris. On le verra, en tout cas dans quelques jours ça devrait être annoncé. On verra, en tout cas. Les matchs amicaux aussi, hein, c'est parti pour les clubs, hein, voilà, quelques matchs amicaux un petit peu par-ci par-là pour tout le monde, pour repartir. Reprise le bi-août, on le rappelle, hein, le calendrier est tout connu, hein, avec pour démarrer, les Lillois, les champions, iront à Metz. Monaco recevra Nantes, Marseille ira à Montpellier, Paris se déplacera à Troyes, récent promu, et Lyon recevra Brest. Voilà pour les matchs principaux donc de cette première journée de Ligue 1. Voilà, et puis bien sûr, on parlera aussi de l'USO, qui va reprendre sa saison dans quelques temps, avec des arrivées, on l'espère aussi, puis une saison qui les emmènera peut-être en Ligue 2, on l'espère. Tiens, une autre info avec le challenge Emilio Sala qui va bientôt avoir lieu, on le rappelle, hein, avec deux matchs qui auront lieu, enfin deux rencontres, puis ensuite des matchs de classement. Tiens, Emile Salah, donc tournoi amicaux, bien sûr, pour rendre hommage à l'Argentin, disparu en janvier 2019, avec trois jours de compétition au Stade de la Source, avec des clubs de Ligue 1 et 2 auxquels il est passé, avec trois jours de match, donc deux clubs de Ligue 1 et deux clubs de Ligue 2. Bordeaux contre Niort, ce sera vendredi 16 juillet à 19h. Le lendemain, le samedi, donc 17, ce sera Nantes-Caen à 15h. Et puis le dimanche, à 14h, la petite finale, et à 17h, la finale donc de ce tournoi amical. Donc, challenge, Emilio Salah. Voilà, donc je vous invite à y aller au stade sur ce tournoi très sympa. Voilà, la billetterie est ouverte, hein, vous pouvez déjà vous y rendre sur le site challenge-miosala.fr tout simplement. Voilà, donc vous pouvez aller faire un tour, une place très très abordable, entre 5 à 12 euros pour les places les plus chères. Donc allez-y, hein, ça semble quand même un tournoi assez sympa. Donc je vous invite à y aller, et puis après vous pouvez même jouer voir les trois matchs avec des passes possibles, voilà, sur le site challenge-minnesota.fr. Donc allez-y pour voir toutes les infos. Voilà, donc pour le transfert on reviendra bien sûr la semaine prochaine avec d'autres infos, hein. Évidemment ça va bouger encore d'ici là, mais pour l'instant rien de d'exceptionnel à se mettre sous la dent. On refera un point, bien sûr, hormis l'arrivée de Sergio Ramos, ce qui était attendu et qui s'est officialisé aujourd'hui. Et bien pour l'instant on attend encore d'autres choses, d'autres gros transferts. Voilà pour le foot. On va parler de l'agenda et puis on va se quitter. Il est déjà presque 21h30, on va tenir le délai. Le programme donc de la semaine. Évidemment, c'est la fin de l'Euro déjà. Un mois, ça passe quand même très vite. Puis c'est vrai que quand on une équipe qui sort très tôt, bah, ça semble encore plus rapide. Donc les demi-finales demain et mercredi, avec bien entendu Italie-Espagne, donc demain 21h, Angleterre-Danemark, c'est mercredi 21h, et puis bien sûr la finale dimanche à 21h. Tout ça à Wembley, et puis à suivre sur TF1 M6, hein, bien sûr, tout ça vous allez pouvoir regarder. Voilà donc l'Euro, les derniers matchs aussi de la Copa América, avec Brésil Pérou cette nuit à 1h, Argentine Colombie la nuit suivante à 3h, la finale dimanche à 11h, puis la petite finale la veille à 2h aussi, donc tous les matchs la nuit sur le site L'Équipe. Voilà pour le foot. Du tennis, c'est la deuxième semaine là aussi, qui va se terminer aussi cette fin de semaine. Les quarts de finale, donc dans deux jours. Demain, les quarts de finale femmes. Oui, c'est ça. Demain, les quarts de finale femmes à suivre. Ensuite, mercredi, les quarts de finale hommes. Même si demain il y aura la fin, hein, des huitièmes hommes, puisque Urkas Medvedev n'est pas terminé, donc ce sera à terminer demain. Et puis donc jeudi les quarts de finale hommes. Ensuite, jeudi demi-finale femmes. Vendredi ce sont celles des hommes. Samedi la finale des femmes. Et puis bien sûr dimanche finale hommes. Voilà, encore. Des prétendants: Djokovic, il est là, Khachanov, Shapovalov, Berrettini, Auger-Aliassime, Federer, qui s'est qualifié tout à l'heure, et peut-être Medvedev, peut-être Urkaz, à voir demain. Voilà pour le programme tennis, donc dernière semaine avant la fin de cette compétition. Tour de France, deuxième semaine là aussi, il en restera encore une derrière, et fin des préparations pour les Jeux Olympiques pour toutes les équipes, hein, équipe, handball, foot, basket évidemment, et puis pas de course de Formule 1, ce week-end ça se repose, même chose en MotoGP, et même chose en rallye. Alors, tout le monde se repose sur ces petites trêves estivales. Et voilà donc pour le programme, voilà ça, ce qui va pouvoir être regardé cette semaine, plein de choses encore, et un petit peu plus calme évidemment sur cette période de vacances. Un petit mot quand même si d'athlétisme, puisque là aussi ça se prépare pour ces jeux. Hein. La Diamond League continue, puisqu'elle a démarré depuis déjà le mois de mai, ça se poursuit. Hier, c'était une épreuve qui se déroulait à Stockholm. Voilà, pas de Français qui se sont ou de Français qui se sont mis en avant. Un petit mot sur la perche avec encore la victoire pour Armand Duplantis qui a encore passé une barre à 6m02. Incroyable, il a encore passé la barre des 6 mètres, décidément. Et puis Valérie Minic a bien figuré comme avec Sam Kenrick, 5,92. Finalement c'est plutôt encourageant pour le Français qui passe 5,92 tout de même comme Sam Kenrick, mais Duplantis qui est encore au-dessus ce meeting et Monaco au programme, ce sera vendredi. Voilà, on referme la page, cette petite parenthèse. La fin des directs est à suivre sur Beansport pour la fin du tennis entre Raducanu, la britannique, pardon, et Tomljanović, pardon, l'australienne, 3-3 dans la première manche. Ce sera la dernière rencontre à suivre. Peut-être pas au bout, parce qu'à 23h, on coupe. Mais voilà, il y a encore du temps pour finir cette rencontre. Un dernier titre, et on se quitte avec un dernier titre, et on se trouve bien sûr la semaine prochaine. On a envie d'écouter, on me dit quoi? On me dit plein de titres. On va terminer avec Majestic et Boney M. C'est bien sûr Rasputin. On écoute ça tout de suite et on revient donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne semaine aussi, et puis portez-vous bien évidemment. Voilà, plein de choses encore à regarder cette semaine, fin de l'Euro. Oui, la semaine prochaine, oui, toujours même heure, bien sûr, pour les émissions de l'été, 19h30, 21h30. L'émission est à retrouver en podcast demain matin, peut-être même un peu plus tard dans la soirée, en replay donc, en podcast, sur le Facebook, Les Arts du Sport. Bonne semaine à vous donc, et portez bien, ciao, bye bye, vive le sport. quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Se